Et nous recevons aujourd'hui Jeff Bernard, artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, mais pas que. Salut Jeff. Bonjour Alain, salut à tous, bonjour. Alors, très heureux de te recevoir dans les studios de Radio Côte Basque pour nous parler de ta passion, principalement la musique, mais on le verra par la suite, mais pas que. Alors, que peux-tu nous dire, surtout par rapport à ton actualité, toute récente ? Mais l'actualité, c'est la sortie de mon EP de 5 titres. Un EP qui s'appelle, sous ma signature Jeff Bernard, l'album s'appelle Un tour avec toi. Il est sorti vendredi 20 mars, ça tombe très bien, c'est le premier jour du printemps, l'équinoxe du printemps. Exactement. Les journées vont être belles, la nature explose. Donc, sortie de l'EP ce vendredi 20 mars sur toutes les plateformes, il est partout, il est distribué par TuneCore. TuneCore, c'est plus de presque 200 plateformes France et internationales. Il est partout, vous le trouvez sur YouTube, sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Amazon. Et puis voilà, dites-moi ce qui, s'il vous plaît. Oui, bah il faut l'écouter. Donc cette EP comporte 5 titres avec des titres qui ont une signification bien particulière. Est-ce que tu peux nous développer l'ensemble de ces compositions ? Ben c'est en fait ces titres, alors il y a 5 titres, chaque déjà, les compositions, alors moi j'écris mes textes et ma musique, chaque c'est vraiment des émotions très personnelles, je libère par mes morceaux, je libère des émotions, des fois on fait des morceaux pour exprimer des choses qu'on a du mal à dire à ses amis ou à ses proches ou à sa femme ou je sais pas, à ses très proches, c'est une libération intérieure, donc c'est des émotions intérieures. Il y a un titre qui s'appelle L'Océan. L'océan, ben voilà, ça c'est mon lieu de travail, on en parlera peut-être après. Mmh. C'est mon domaine de travail, puisque je travaille dans le surf et l'enseignement, la formation, tout ce qui est océan, environnement. Il y a un titre qui s'appelle Encore un rêve, qui laisse la place à quelque chose qui pour moi est important, le rêve. Comme dit Edgar Poe, celui qui rêve le jour a toujours un pas en avance sur celui qui rêve que la nuit. c'est une bonne maxime. Il y a aussi un titre qui s'appelle Une amitié qui résonne, ça c'est une chanson hommage à un ami à moi qui a décédé, un ami de Biarritz, qui nous a quittés en 2022 suite à un accident de la route. Voilà. Donc ça, c'est un titre qui est arrivé, que j'ai écrit quand j'ai eu l'information de sa situation à l'hôpital en état très grave. J'étais tout seul chez moi, en pleine nuit, j'ai pris ma guitare, un papier, un stylo, j'ai ce morceau qui est venu, voilà, il s'appelle Une amitié qui résonne, qui a beaucoup de vibrations pour moi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme titre sur l'EP ? L'océan, encore un rêve, une amitié qui résonne, et il y a aussi... Comme un loup. Comme un loup, voilà, bon, ça c'est une allégorie du loup qui est... Un loup qui a parcouru un peu son chemin de vie, qui est un peu fatigué, qui navigue loin des humains, dans la forêt, au bord des rivières, qui se cache mais qui navigue, qui survit. Voilà, vous écouterez, vous en ferez votre idée. Exactement. Et puis le dernier titre, qui est le titre de l'EP du mini-album, s'appelle Un tour avec toi. Un titre assez rythmé, assez puissant, un peu voilà, pop-rock, plutôt je trouve assez dynamique. C'est le titre le plus dynamique de l'album. Un tour avec toi, c'est simplement l'envie de d'être en mouvement, mais pas seul, d'être en mouvement avec quelqu'un, avec un ami, avec plusieurs amis, être à plusieurs, faire un tour avec toi et aller voir ce qui se passe ailleurs. Exactement, et c'est le titre d'ailleurs que tu m'as envoyé par le biais d'Insta, que j'ai écouté et qui m'a tout de suite donné envie de t'accueillir. Okay. Merci. Et de faire partager ce nouvel OP à l'ensemble des auditrices et des auditeurs. Alors, cette passion pour la musique, elle est pas récente. Elle date depuis ton plus jeune âge, je crois. Oui, c'est ça, absolument. Elle est pas récente. J'ai deux grands frères qui étaient musiciens. Un qui a percé, qui était professionnel, bassiste professionnel français. Et j'étais un peu baigné depuis pré-ado, ado, avec des musiciens, des scènes, des répétitions, des studios. J'ai eu cette chance-là d'être dans les pas de mon grand frère. Et puis ensuite de prendre la guitare, de jouer depuis l'âge de 12-13 ans, de inspiré par Bob Dylan, Tracy Chapman, Bob Marley, d'apprendre l'anglais en chantant les chansons, et puis chanter avec la guitare tout le temps. J'ai jamais dissocié le chant et la guitare, j'ai toujours été chant-guitare. Et puis ça a évolué, puis il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé avec des nouvelles émotions, un peu d'adulte, à composer mes propres chansons, au départ en anglais-français, mm-hmm. Et puis je dirais que depuis le Covid, j'ai pris la décision d'être qu'en français, donc c'est la pop-rock française. D'accord. Et tu composes maintenant tous les titres que... Absolument, ouais. Absolument, tous les titres. Avec des musiciens, là j'ai une équipe de musiciens, bassistes, pianistes, percussionnistes, batteurs. Et donc on essaie de mélanger un peu avec quelques arrangements. Et les morceaux voilà, restent approximativement, ils restent très près de ce que j'ai pondu au premier jet. D'accord, donc tu as une équipe de musiciens avec toi. Absolument, absolument. Luc Dabadi à la basse, ouais. Pierre-Olivier Pouzet, percussionniste, et Tristan Derieux-Merlou qui est pianiste. Donc c'est des gens très sérieux, très impliqués et qui m'ont beaucoup aidé sur le projet musical. Luc Dabadi a un studio qui s'appelle Silence et Vibration à Orthès. Mm-hmm. Il est très passionné de son, il est ingénieur du son. Et c'est lui qui a produit, qui a enregistré. En fait, on était chez lui pour enregistrer dans son studio. Donc, on a passé quand même pas mal de journées. Je crois qu'il y a une bonne quinzaine de journées. Tu vois, oui, quand même. Ouais. De studio, au moins 4-5 jours par musicien, au moins 3-4 jours par musicien. Et puis, au final, voilà, il y a un enregistrement qui est assez propre. Je trouve très, très beau, d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est mon opinion. Et puis, pour préciser, on l'a pas dit dans notre podcast. On a parlé des plateformes, mais il est aussi sorti en format CD. Donc, d'ailleurs, oui. J'étais offert le oui, format oui, CD. Oui, d'ailleurs, très gentiment, tu m'as Radio offert. Je l'ai dans les mains. Voilà, on le mettra tout à l'heure quand on prendra la photo qui va avec le podcast. Donc, on pourra le voir comme ça et le montrer et donner envie de rapidement le retrouver. Et ceux qui le veulent en CD, je vais monter un Hello Asso. Ah oui. Hello Asso pour en ligne sur un lien pour le récupérer. Ça c'est pour les amis ou les gens qui sont un peu plus loin que la côte basque. Pour tous ceux qui sont en local, tout simplement de main à la main, un message sur Instagram et on pourra vous passer le CD avec une base de participation de 5€. C'est vraiment très léger. Ah oui. C'est à partir de 5€, c'est aider le projet musical. Plus ouais. que vendre le CD en fait. Ton compte Insta? Jeff Bernard Musique. Voilà, musique en français. Exactement. On le précise. On le remettra également le lien direct, mais retenez bien. Et là, comme ça, ils pourront suivre toute l'actualité musicale que tu proposes. Alors, on a parlé de musique, puisque l'actualité printanière, mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Ah bon? Oui, suite à la discussion qu'on a eue hors antenne, donc ouais. tu es très attaché à l'environnement et tu as même été précurseur en la matière. Voilà, je suis passionné, je travaille dans l'océan, je travaille dans le surf, j'attaque cette année ma 32e saison d'enseignement du surf. J'ai une école de surf à Biarritz qui s'appelle Biarritz Surf Océan, avec un projet pédagogique installé, avec deux branches, une branche protection de l'océan et une branche aussi sport santé. Donc l'idée, c'est de rendre le surf et l'océan comme outil thérapeutique pour la santé mentale, physique, les maladies chroniques, mais aussi d'un autre côté, pour travailler sur la transition écologique, la transition climatique. Il y a des enjeux importants et l'idée, c'est de par le surf, par l'océan, c'est un médium puissant qui attire les gens, parce que c'est un lieu quand même, c'est l'un des lieux les plus fréquentés au niveau touristique. Mmh. On parlait hors antenne du tourisme. Oui. Plus de 70% des touristes fréquentent la plage, les littoraux. L'océan est aussi un miroir social, un miroir sociétal, parce que c'est la fin et le début du cycle de l'eau. Et puis l'océan est aussi au cœur des enjeux climatiques. Mmh. Ça me semblait plutôt cohérent, en mon sens, d'introduire ça à l'enseignement du surf. Donc l'école de surf Biarritz Surf Océan travaille là-dessus depuis plus de 20 ans. Eh oui, t'as pas attendu la grande vague où tout le monde s'est mis, heureusement, cela dit, parler d'environnement, mais on pouvait déjà en parler bien avant, c'est ce que tu as fait. Oui, complètement, ça me semblait, j'aime bien dire que la punchline de mon école, c'est la star, c'est l'océan. Mm-hmm. Souvent, c'est la star, c'est le surfeur, mais non, chez moi, la star, c'est l'océan. Et donc, voilà. J'ai un événement chaque année qui s'appelle Célébrons l'océan, le 8 juin, Journée mondiale des océans. Donc j'essaie de faire une journée gratuite ouverte au grand public avec cours de surf, conférences, petits pique-niques partagés, des rencontres, un peu sous forme de radio d'ailleurs. J'ai une sono, j'ai un ami qui tient la table de son, j'ai deux poufs dans le sable avec avec micro, donc les gens peuvent en passant écouter ce qui se passe. Et puis j'invite des gens intéressants, des gens qui ont des... qui nous raconte, qui nous parle de biodiversité, d'environnement, de santé, de surf, de sauvetage, des thématiques autour de l'océan. Très bien, intéressant. Donc, d'autres passions ? Et passion, c'est comme toi, t'es passionné de radio, on en parlait. J'ai fait 19 ans de Radio France. J'étais chroniqueur et créateur d'émissions pour France Bleu Pays Basque, qu'on appelle ici Pays Basque. Ouais. Ça s'est arrêté en 2022. Et c'était une très très belle aventure, j'adore la radio. Et puis voilà, passion. Et puis après j'ai aussi les auditeurs vont dire mais qu'est-ce qu'il fait, il en fait partout. Et une dernière passion, après je m'arrête. Mais il n'y a pas de souci, on est là. J'ai un club de kung-fu traditionnel à Biarritz, voilà, qui s'appelle l'Esprit du Dragon. Et je suis instructeur depuis 10-12 ans et je pratique depuis un peu plus de 20 ans. 25 ans exactement. C'était au Polo Béris à Bayonne. Juste à côté des studios d'ailleurs. Hein, studios. Et donc ça, c'était c'est une approche qui m'a aussi qui s'associe à la musique et aussi au surf, puisqu'on travaille sur la respiration, la méditation, le postural, tout ce qui est culture du corps, et puis après le martial, le côté martial, combat. Donc c'est aussi une formation humaine. Je peux dire même écologique, interne, qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore, qui m'apporte beaucoup. Donc il y a des entraînements, il y a deux entraînements par semaine. Le club est à Biarritz, on peut nous retrouver sur Instagram, Kung Fu Shaolin Biarritz. Et donc voilà, c'est une pratique qui, c'était un peu mon jardin secret pendant très longtemps, j'en parlais pas trop. Et puis parce que la méditation il y a 15 ans ou 20 ans, fallait pas trop en parler, c'était un peu tabou, ouais. Donc je parlais de relaxation, j'introduisais ça dans mes cours de surf, je parlais de relaxation, on travaille sur la respiration, de faire le vide. Et on peut dire que depuis un peu moins de 10 ans, on peut dire le mot méditation qui est maintenant ultra démocratisé. C'est vrai. On n'a plus peur d'en parler, mais vraiment, je vous dis que ce mot-là, et quand on parle de Qigong, d'art de respiration, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc le Kung Fu traditionnel nous enseigne tout ça. Le postural, le respiratoire, la pleine conscience, donc très intéressant sur les maladies mentales, sur la dépression, sur la sédentarité, les maladies chroniques, très très intéressant. Non mais c'est bien, tu vois, tu fais le lien avec d'autres interviews que l'on a eues et que l'on va encore avoir autour de la santé mentale, puisque c'est vrai que il faut absolument en parler un peu, pas désacraliser, mais rendre un peu plus abordable et de se dire que il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aider à vivre mieux, tout simplement. Absolument. Et souvent des choses assez simples. Oui. On a tout sous nos pieds et on a tout sous nos pieds, on a tout devant les yeux. Donc, c'est bien comme Maxime, ça aussi. Tu es venu avec ta guitare. Je suis venu avec ma guitare, absolument. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse juste une petite pause, le temps de s'installer comme il faut, et que tu nous interprètes un titre en live. Avec plaisir. Hein, ça sera la deuxième. C'est Julia Damestoy Pérez, que tu connais, qui avait inauguré le premier live ici, dans les studios. Donc, écoute, place à la musique. On aime particulièrement les artistes ici. Et si on peut faire du live, c'est encore mieux. Merci Alain, c'est une bonne idée. À tout de suite. Encore un rêve qui m'éclaire dans ce tourbillon de lumière, dans l'obscurité, la poussière, le ciel relié à la terre, le monde tourne à l'envers. Sauter un pas en arrière. Encore un rêve qui m'éclaire. Une paralysie volontaire. Désir et folie planétaire. Recherche du dernier sanctuaire. Les hommes courent de travers. La beauté du monde au vestiaire. La la, la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il s'appelle Jeff Bernard et vous le retrouvez sur Insta avec Jeff Bernard Musique. Super, moi j'adore, je suis fan. Merci je beaucoup, te le dis. Alain, merci beaucoup, merci à vous tous. Hein. Et puis, puis j'espère que les 5 titres vous plairont. Et on va logiquement arriver à quelques lives sur la côte basque d'ici peu. Donc si vous nous suivez sur Instagram, vous pourrez nous suivre en live tout simplement. Eh ben, c'est le mieux qu'ils aient à faire, c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner pour cette journée. Voilà, merci Jeff. Merci beaucoup, à bientôt. Bye.